Quand arrive un problème électrique, on est souvent désemparé. Alors, ne cherchez plus. Il y a les électriciens du Nord, 1025 Première Avenue, L'Ascension. Notre spécialité, les installations commerciales, résidentielles ou industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible. 40 ans dans notre milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Faites confiance à des pros. Contactez immédiatement les électriciens du Nord, 88-347-5103. Toute notre équipe salue le mois de l'arbre et de la forêt. Que ce soit pour le démarrage ou l'acquisition d'une entreprise ou le développement de celle-ci, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer au financement dans certains cas. Contactez-nous au 88-276-0405 ou le sadcmaria.qc.ca. La SADC Maria Chapdelaine est fière de rappeler l'importance de la forêt pour notre économie. Dans le cadre du mois de l'arbre et de la forêt. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On va parler du club de golf de Chibougamau avec notre directeur général, encore une fois, Michel Lalma. C'est toujours le fun de parler avec Michel Lalma. Salut Michel! Bonjour Denis! Michel, on recommence une autre... Comment ça fait de temps, Michel? 9 ans hein, qu'on collabore ensemble à peu près? 8-9 ans, hein? Il y a 9 ans, depuis que je suis là. Depuis que je suis là aussi, c'est ma 10e année cette année. Michel, Michel, dis-moi, déjà, comment ça a commencé l'année au club de golf? On a ouvert le 18 de mai, comme on avait prévu, sensiblement les mêmes dates que les dernières années. À la différence près qu'on avait encore beaucoup de neige sur les côtés puis les sous-bois. Par contre, la qualité des verres était très, très bonne. Puis, depuis cette date, pluie, soleil, parcours et déroute en très, très belles conditions. Ça va être possiblement une des bonnes saisons pour la qualité de notre parcours. Ouais. Même s'il est toujours très beau, là. D'après moi, cette année, là, devrait être encore dans une des très, très, très bonnes saisons. Ben, c'est clair, hein. Puis, surtout que. Écoute, Météo Média, c'est pas la science infuse. Sauf que ce qu'on dit de Météo Média, c'est qu'on va avoir tout qu'un été avec du beau temps, puis avec ça vous déplaira pas là. Ben là, son fille aujourd'hui là, ce qu'il va faire 30, ouais. C'est quasiment comme au mois de juillet là. Pas rien quasiment, c'est comme au mois de juillet. Pour en profiter. Ouais, effectivement. Ouais. Hey, trou d'un coup en passant. Mercredi dernier, le 23, ouais. Au trou numéro 6, 150 Saverge, avec un fer 7, Martin Chiasson. Okay. C'est lui d'ailleurs qui détient le plus grand nombre de trous d'un coup sur notre parcours. Ouais. Mercredi dernier, c'était son 4e. Hey, monsieur, c'est-tu toujours au même coup? C'est-tu toujours au même... Non, il y en a fait un au numéro 4, puis là, c'était son 3e. Okay. Je ne me trompe pas, au numéro 6. Okay. C'est pas nous autres, le numéro 4. Il nous semble toujours le trou le plus facile, puis c'est lui qui en a le moins. Okay. Dans une proportion d'à peu près un tiers, deux tiers. OK. Fait que. Puis. Toujours en bel exploit, puis c'était bien suivi, puis on l'a mis sur Facebook. Ben oui, je l'ai vu, puis c'est pas mal le fun. C'est pas mal le fun aussi, oui. Là. Hey, dis-moi, le nombre de... j'ai oublié de te demander ça tantôt. Le nombre de membres, c'est encore à la... stable, j'imagine? Ça s'en va. Ça va encore très, très bien. À date, on est rendu 168. OK. On avait budgété 180. On devrait être pas loin de 190. OK. D'après moi, là, pas loin. Donc, pas loin de 150 adultes, c'est plus qu'excellent pour un trou. Toutes les années, on en perd une vingtaine, et on se dirige encore vers 22, 23 nouveaux membres. Ah, c'est bon! Donc, une autre belle saison en perspective, oui, on est très, très, très satisfaits. Puis pour les clubs, c'est de la nouveau membre, c'est de la nouvelle business, là. Faut pas oublier ça, là, c'est de la nouvelle argent qui rentre, comme on dit, là. Du gravy. C'est de belles relèves, puis on les soigne bien. On a une campagne de promotion. On a des incitatifs pour les nouveaux membres. On a un jeune diplômé de 2 ans d'éducation physique Ouais. Je peux donner des cours. Donc, non. Puis, on travaille aussi beaucoup sur nos programmes de relève. Ah oui, effectivement. On va avoir encore une quarantaine de jeunes, dont au moins 10-12 dans notre ligue junior. Donc, non, ça va bien. OK, OK. Dis-moi, pour les nouveaux membres qui sont rentrés, c'est quoi? C'est-tu des jeunes? C'est-tu des plus... On a un petit peu. Ouais. On a, je dirais, là, deux, trois nouveaux couples. OK. On a 4-5 membres adultes. Puis on a là, peut-être une couple de, on pourrait dire, de semi-retraités. Là. OK, OK, OK. Qui ont plus de temps un peu. Puis, ouais. Donc, tous des membres adultes annoncent bien. OK. C'est sûr que, écoute, à Chibougamau, ça doit être comme à Dolboum-Sessigny. La population est vieillissante. Fait, faut pas s'attendre à beaucoup de jeunes. L'exode des jeunes, vous l'avez vu aussi là-bas, vous autres. Là. C'est partout au Québec, pour pas dire dans le monde. C'est une clientèle, là. Moi, chez nous, on doit être à 54 ans comme âge moyen. Ouais, c'est ça. 75% de la clientèle en haut de 50 ans. Ouais. Puis je te dirais qu'on est possiblement un jeune club. Ouais, mais c'est parce que l'offre est tellement rendue grande. Les jeunes, là, tu sais, dans notre temps, on jouait à balle pour hockey. Mais là, à ce temps-là, le jeune ça. Aujourd'hui, il y a tellement d'offres, il y a tellement de nouveaux sports, il y a tellement de possibilités. C'est dur pour les clubs de golf également de se démarquer, puis d'autres associations. Autre chose à surveiller cette semaine. À quoi à surveiller cette semaine? Juste pour enchaîner, c'est que le golf, là, c'est très technique, c'est difficile, puis il faut pratiquer, puis il faut persévérer. Puis c'est pas souvent dans la mentalité des 25-35, là. Ouais. Ouais. Fait que, donc, Michel, autre chose en terminant? Non, on souhaite une bonne saison. OK. Notre club est toujours aussi accessible. Ça nous fait plaisir de voir tout le monde. Puis on est là pour répondre à la demande. Hey, en terminant, Pierre-Alexandre, jouais-tu cette semaine? J'ai oublié de... Non, il est à Chibougamau, on va être ici demain. OK, OK. Il va jouer chez nous demain. OK. On a une première Coupe des champions. Ouais, OK, fait qu'on va... Il est samedi, puis il va être là. OK, fait qu'on va, je te rappelle pour avoir ton budget, pour avoir les résultats pour le bulletin de sport local qui va recommencer lundi et nous on s'en parle jeudi prochain. Voici, voilà Michel Lallemand, le directeur général du club de golf de Chibougamau.